partager la bonne nouvelle de l'évangile du Christ en montrant le chemin de la vie éternelle et être en communion parfaite avec le Christ est notre priorité. Tu es là et... Eric Okwame, le serviteur infatigable du Seigneur, vous donne rendez-vous tous les mardis à partir de 17h dans votre émission chrétienne, l'heure du salut. Rediffusé le dimanche à 20h sur la radio Béquet FM. Ensemble, proclamons la bonne nouvelle de l'évangile dans votre émission chrétienne, l'heure du salut. Bien-aimés de Dieu, vous êtes sur la radio Béquet FM et vous êtes en direct de votre émission L'Heure du Salut, émission chrétienne par excellence qui allie joie, gaieté et bonheur pour l'annonce de la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, depuis le 11 septembre 2023, la Côte d'Ivoire a fait sa rentrée scolaire et en cette année 2023-2024, bien-aimés de Dieu, nous voulons jouer notre partition en apportant notre grain de sel à tous ces élèves et étudiants afin que leur année soit vraiment une année de gloire. Bien-aimés de Dieu, fidèles auditeurs, chers amis internautes de la radio Béquet FM, nous vous disons bonsoir, bonsoir chez vous et bienvenue à votre émission L'Heure du Salut. Tout de suite, nous allons vous permettre de vous installer confortablement avec cette chanson que nous propose aujourd'hui le frère Samuel qui est accompagné de notre frère Abdoul. Voilà, Marie et Lo pour vous permettre de vous installer. Allez, c'est parti. Bienvenue à votre émission L'Heure du Salut. Ce que tu as fait dans le passé, tu le fais encore aujourd'hui. Adonai, oh, yeah. Adonai, oh, oh, si, oh, je veux voir ta gloire. Yeah, Adonai, oh, oh, si, oh, je veux voir ta gloire. Son temps à maudire. Il a entendu parler de Jésus qui sortait de la ville. Il a commencé à crier. Il dit Jésus, oh, yeah, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, oh, yeah, aie pitié de moi. Les apôtres m'ont dit d'arriver. Lui on dit, Bartimée, pardon, faute d'elle. Tu penses que Jésus là c'est ton camarade? Arrête de crier, arrête de nous embrouiller. Mais Bartimée s'est pas laissé. Il a crié plus fort, il a crié encore plus fort. Les mêmes personnes qui ont la fidélité, c'est les mêmes qui vont te. Oui, Jésus, nous voulons voir ta gloire. Jésus, Madame Fadiga veut voir ta gloire. Jésus, Monsieur Kone Barthélémy veut voir ta gloire. Jésus, Monsieur Kobena Ouma veut voir ta gloire. Jésus, tous les élèves et étudiants du monde entier, de l'Afrique, particulièrement de la Côte d'Ivoire, veulent voir ta gloire en cette année 2023-2024 où ils ont repris vraiment les chemins de l'école. Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Christ, bonsoir encore chez vous et encore une fois de plus, bienvenue à votre émission L'Heure du Salut. Aujourd'hui, je suis avec ma nouvelle chroniqueuse, Brou Marie Axel. Elle est étudiante en licence 2, c'est ça? Oui, en licence 2 de droit. Licence 2 de droit, ça va? Oui, ça va très bien, merci et vous? Oui, par la grâce de Dieu, ça va, j'ai la pêche. Allez, voilà, c'est comme ça les enfants de Dieu. Allez, dis-moi, c'est comment ton dimanche? Tu as été à l'église? Oui, j'ai été à l'église et on a eu deux cultes, le culte des grands et le culte des enfants. D'accord. Donc c'était très bien en tout cas, on a eu la louange, l'adoration, franchement c'était un beau dimanche en tout cas. Donc rapidement, un petit appel à tous ces jeunes-là qui ne vont pas à l'église, qu'est-ce que tu peux leur dire? Bon, je peux leur dire que le tout n'est pas d'aller à l'église, mais le tout est de chercher la réelle voie du Seigneur. D'accord. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup trop de chemins. D'accord. Du coup, il ne faudrait pas se perdre en voulant forcément aller à l'église, mais il faudrait chercher la réelle voie du Seigneur. Et évidemment, ce n'est pas de rester à la maison, les pieds croisés et attendre le Seigneur en fait. D'accord, allez, merci beaucoup Ange. Voilà. Et je suis aussi avec le frère, le Mathieu, le frère Ala Christ Emmanuel. Lui aussi, il est en licence 2 de droit. Ala Christ Emmanuel, bonsoir. Bonsoir, monsieur Rick. Encore merci d'avoir répondu à notre invitation. Hein. Ah bien, vous savez que c'est un plaisir d'être avec vous. Voilà, tu m'as dit tout à l'heure en off que tu voulais être animateur, c'est ça? Oui, animateur radio, c'est un métier qui me branche bien. D'accord, voilà. Donc, quand tu feras tes dossiers, on verra avec le directeur de la radio Gbeke FM, la radio qui émet jusqu'au bout du monde. Bien-aimés de Dieu, voilà, nous allons parler aujourd'hui des élèves, des étudiants. Nous allons leur demander d'utiliser leur puissance intellectuelle pour dire non à la brutalisation de l'espace scolaire par la drogue et le commerce sexuel. Mais avant toute chose, aujourd'hui est le premier mardi du mois et nous avons le devoir de vous rappeler les 10 commandements de Dieu. Juste après ceci. Les 10 commandements de Dieu. Les 10 commandements de Dieu. Commandement 1. Tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Commandement 2. Tu ne prononceras le nom de Dieu qu'avec respect. Commandement 3. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Commandement 4. Tu honoreras ton père et ta mère. Commandement 5. Tu ne tueras pas. Commandement 6. Tu ne commettras pas d'impureté. Commandement 7. Tu ne voleras pas. Commandement 8. Tu ne mentiras pas. Commandement 9. Tu n'auras pas de désirs impurs volontaires. Commandement 10. Tu ne désireras pas injustement le bien des autres. Voilà ainsi lu les 10 commandements de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés de Dieu, fidèles auditeurs, frères et sœurs en Christ, nous ne cessons jamais de vous dire, pour avoir le salut, c'est d'abord de passer sur votre émission, L'Heure du Salut, dans l'émission de la radio Gbeke FM. Chaque premier mardi du mois, nous avons le devoir, de vous rappeler les 10 commandements de notre Seigneur Jésus-Christ. Allah Christ Emmanuel. Oui, monsieur Rick. Voilà, quelle importance de rappeler les 10 commandements de Dieu à tous nos frères et sœurs qui nous écoutent actuellement? Eh bien, déjà, il faut comprendre que la répétition en elle-même est une vertu pédagogique. D'accord. Et d'autant plus quand on parle de Dieu, qui lui-même nous rappelle chaque jour le grand amour qu'il a pour nous en nous permettant de nous réveiller sains et saufs. C'est ça. Et il faut aussi comprendre que c'est une très belle initiative, déjà, de l'émission L'Heure du Salut. Merci. De rappeler ces commandements-là, parce que souvent, même dans nos actes de tous les jours, on manque à ces commandements-là. C'est ça. Et le rappel vient un peu comme pour sonner la révolte, pour nous dire... Remets-toi sur le bon chemin, même si ce n'est pas encore perdu, remets-toi sur le bon chemin. D'accord, merci beaucoup. Remets-toi sur le bon chemin. Vous l'avez entendu, c'est notre premier conseil du soir. Allez, bien-aimés de Dieu, dans toute chose, après avoir rappelé les 10 commandements de Dieu, il faut maintenant s'imprégner de la parole de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui dans sa parole, dans la Bible? Tout de suite, notre deuxième rubrique de ce jour, lecture et commentaire de la parole de Dieu après le jingle. Lecture et commentaire de la parole de Dieu. Lecture et commentaire de la parole de Dieu. Proverbe 3, versets 29 à 32. Ne médite pas le mal contre ton prochain alors qu'il habite en toute confiance près de toi. Ne te dispute pas sans raison avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a fait aucun mal. Ne sois pas jaloux de l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies. Car l'Éternel a horreur de l'homme perverti, mais il est un ami pour les hommes droits. C'était Proverbe 3, versets 29 à 32. Voilà, Proverbe 3, versets 29 à 32, a lu notre sœur Brou Marie Axel. Allez, bien-aimés de Dieu, on vous le répète encore une fois de plus, la voix du Seigneur se trouve dans sa parole, la Bible, c'est le temple de Dieu. Allez, ce soir, nous allons tenter sur ce plateau de vraiment commenter Proverbe 3, versets 29 à 32. Et chez vous à la maison, vous allez aussi commenter cette parole et aller en évangélisation. Axel, toi qui as lu la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on peut dire au peuple de Dieu ce soir? Moi, je trouve que ces versets sont assez clairs, qu'il ne faudrait pas s'adonner à la violence, car Dieu même interdit la violence. Alors, toute forme de violence est donc répudiée par le Seigneur, et toute personne disant suivre le Seigneur devrait éviter toute forme de violence envers soi-même et envers toutes les personnes qui nous entourent. D'accord, voilà, merci pour ton commentaire. Allah, Christ Emmanuel, Proverbe 3, versets 29 à 32, qu'est-ce que ça t'a inspiré, cette parole? Eh bien, déjà, il faut comprendre qu'ici, on est dans les proverbes. Et si on voudra aller à la première interprétation, les proverbes sont un peu des phrases, mais qui ont un sens un peu voilé. D'accord. Et moi, quand je lis en fait ces proverbes-là, je comprends ici déjà dans le premier verset, le verset 29, qu'on demande de ne méditer aucun mal contre une personne qui est proche de nous. Vous comprenez, ici, on demande de façon un peu voilée de ne pas être hypocrite, pardon, envers les personnes qui sont à côté de nous. Parce que quand tu dis que quelqu'un est avec toi, que tu es avec lui, que tu lui veux du mal, c'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Il faut arrêter. Il ne faut pas être aussi jaloux de ceux qui sont violents et qui arrivent à leur fin, en se disant peut-être la violence est la meilleure voie. Il faut juste suivre la voie du Seigneur, qui est le dialogue, qui est l'amour, simplement. Voilà, merci beaucoup à la Christ Emmanuel pour ces belles paroles. Voilà, et Marie Axel, merci également pour ton commentaire. Bien-aimé de Dieu, vous l'avez compris, c'est notre deuxième rubrique de ce soir, lecture et commentaire de la parole de Dieu. Nous avons lu Proverbe 3, versets 29 à 32. Chez vous à la maison, vous pouvez poursuivre cette lecture en famille, entre amis, entre frères et sœurs, pour partager la parole de Dieu et aller en évangélisation. Comme le frère Allah l'a dit, le dialogue, la paix, la cohésion, vraiment c'est ce que nous devons faire entre nos frères et sœurs. Allez, tout de suite, nous retenons du côté de la régie et nous revenons juste après pour notre troisième rubrique. Le Dieu de ma vie, en toi j'ai trouvé le salut, reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer, Père. Tu es le roi des rois, Seigneur Jésus-Christ. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu de tous ses élèves et étudiants. Seigneur, c'est toi qui vas les inspirer en cette nouvelle année scolaire 2023-2024. C'est toi, Seigneur, qui vas donner l'intelligence supplémentaire à tous ses élèves et étudiants. C'est toi, Seigneur, qui vas vraiment toucher leur cœur, afin que cette année scolaire 2023-2024, il n'y ait pas de violence sur nos espaces scolaires. C'est toi, Seigneur, qui vas inspirer tous ces professeurs, tous ces enseignants, afin qu'ils puissent avoir la force nécessaire de donner le salut, que dis-je, le savoir à tous ces apprenants. Bien-aimés de Dieu, vous êtes à votre émission L'Heure du Salut, l'émission chrétienne par excellence sur la radio Gbeke FM, la radio qui émet jusqu'au bout du monde. Et ce soir, vous êtes en compagnie d'une technique dirigée par deux titans, qu'on peut le dire ainsi, le frère Samuel et le frère Abdoul. Merci à vous les gars pour la mise en onde de cette émission. Je rappelle que je suis encore avec le frère Alain Christ Emmanuel et la sœur Brou Marie Axel. Moi, je suis Eric Kwame, votre humble serviteur, toujours pour servir de façon infatigable le Seigneur. Aujourd'hui, notre thème qui nous réunit, je pense que ce thème-là, on le fera en deux émissions. Jeûne, utilise ta puissance intellectuelle pour dire non à l'espace, que dis-je, à la brutalisation de l'espace scolaire par la drogue et la tontine sexuelle. Aujourd'hui, nous allons plus nous attarder sur le côté violence. Pourquoi y a-t-il de violence, beaucoup de violence dans les temples du savoir? Nous allons en parler tout à l'heure, mais ça sera juste après le jingle et on revient après. Petit débat et dédicace. Petit débat et dédicace. Voilà, pour vous qui nous prenez en marche maintenant, sachez que vous êtes à votre émission L'Heure du Salut, l'émission sur la radio Gbeke FM. Et pour tous ceux qui voudraient vraiment participer à cette émission, les numéros sont ouverts. Voilà, le téléphone est ouvert. Il y a le 01 01 45 50 40 et le 05 86 06 48 63. Et vous allez pouvoir participer à cette émission et dédier une chanson à un frère ou une sœur. On va demander à Axel de nous dire comment vraiment écouter l'émission en ligne. Axel? Alors, nos fréquences pour écouter la radio Beke FM. Nous avons www.radioesper.net, zeno.fm radio Beke FM, online radio box.com, www.radioline.com, www.annuairedelaradio.fr, struma.com radio play Beke FM et le site vitrine c'est www.bekefm.com. Et pour nos auditeurs de l'étranger, nous avons le numéro plus 225 0101 45 50 40, le plus 225 05 86 06 48 63. Voilà, merci Axel qui a dit pour tous nos auditeurs qui sont vraiment hors de la Côte d'Ivoire, partout dans le monde entier, vous pouvez participer à votre émission en appelant juste au plus 225 01 01 45 50 40, le plus 225 05 86 06 48 63 et ensemble, nous allons donner quelques conseils à tous ces élèves et étudiants qui nous écoutent à la radio Beke FM. Tout de suite, ma première question, c'est pour le frère Allah. Allez, Allah Chris Emmanuel. L'année écoulée, l'année scolaire 2022-2023, dans le temple du savoir, on a eu assez de violence. En cette nouvelle année, nous prions pour ne pas qu'il y ait de violence dans l'espace scolaire. À Boaké ici, on a appris sur les réseaux sociaux et même ceux qui l'ont vu, il y a eu vraiment une violence à l'université. Tu es un peu au courant de ça? Bon, comme tout le monde, j'ai entendu des échos. D'accord. J'ai vu aussi des posts sur les réseaux sociaux qui en ont parlé. D'accord. Mais j'ai pas eu l'occasion de moi-même m'enquérir de la situation. D'accord. Mais on va considérer que c'était vrai, hein, puisqu'il y a eu plein de campagnes qui ont été mises en place. D'accord. Dans le but de régler. Il y a l'affaire même qui a été instruite devant le préfet. D'accord. Et donc c'est vraiment quelque chose de réel. C'est quelque chose de réel et c'est quelque chose qu'il faut bannir. Parce que voilà, le campus, c'est le temple du savoir et non le temple de la violence. Bien sûr, c'est le temple du savoir. La seule chose, pour laquelle on devrait se battre au campus, c'est pour avoir les meilleurs ouvrages, peut-être les meilleures moyennes, mais on ne devrait même pas en arriver aux mains. D'accord. Alors donc, ma question, pourquoi tant de violence dans le temple du savoir? Qu'est-ce qui fait tout cela? Aujourd'hui, c'est une question très vaste. C'est très compliqué de trouver vraiment la cause même, la cause la plus profonde de ce mal. Mais il faut reconnaître qu'il y a une accumulation de plusieurs choses. D'accord. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, la jeunesse en général et la jeunesse ivoirienne en particulier est en train de partir à la dérive. D'accord. Nous, on y est, nous, on est dans la jeunesse, on voit un peu ce qui se passe. On sait pas tout qu'on peut étaler comme ça, mais on sait que parmi nous, les jeunes, il y a des personnes qui empruntent chaque jour des mauvais chemins, qui empruntent chaque jour des chemins qui vont les emmener à coup sûr à être violents au fil du temps. Parce qu'il faut comprendre que même la plus grande des violences va commencer par la petite graine qui a été semée un jour, peut-être, je sais pas, par des petites insultes, des petits raquets, des petites menaces. C'est ça qui va arriver un jour à donner la grande violence où on est même emmené peut-être à gifler quelqu'un dans la rue sans raison valable. D'accord. Axel, oui, monsieur, pourquoi tant de violence dans le temple du savoir? Effectivement, comme il l'a dit, la question est très très vaste. Parce que dans le temple du savoir, on vient tous avec nos éducations que nous avons acquises, soit à la maison, et j'ose le dire, soit à la rue. Parce que certains d'entre nous n'ont pas été réellement éduqués à la maison. Et même s'ils ont été éduqués à la maison, ils n'ont pas su prendre cette éducation-là à bras le corps, et ils ont préféré s'acquérir d'autres éducations, et ils y viennent avec toutes ces éducations, toutes ces moralités, tout. On est tous dans un bol, et forcément on est obligé de se frotter les uns aux autres. Cependant, ce fait-là ne doit pas forcément faire découler de la violence, mais comme je l'ai dit plus haut, chacun a eu son éducation, chacun a ses raisons, même s'il n'y a aucune raison pour la violence, mais certaines personnes qui même prétendent ne pas avoir de raison, lorsque tu fouilles dans le fond, ils trouvent une raison à leur violence. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup de choses en fait qui qui font monter la violence. D'accord. Alors, vous parlez d'éducation. Donc, ça veut dire que les jeunes ne sont plus bien éduqués. Bon, ben, vas-y, je tue. On indexe l'éducation des personnes, M. Eric. Mais il faut comprendre que, comme je l'ai déjà dit ici la semaine dernière, il y a différentes influences. D'accord. Sur une personne. Quand un enfant il naît, je prends l'exemple d'un enfant, quand un enfant il naît, on demande de ne pas prononcer des insultes devant l'enfant. C'est ça. Parce que l'enfant il répète tout ce qu'il voit. Et il faut comprendre que l'être humain, quand il est petit, en grandissant, et même quand il va grandir encore, les influences auront toujours un grand impact sur lui. Il va toujours vouloir être dans la plus grande majorité pour ne pas être marginalisé. Et le truc c'est qu'aujourd'hui même la jeunesse voit le fait d'être différent. Comme, comme une fatalité en fait. Genre, on doit faire ce que tout le monde fait parce que si on est différent, c'est fatal. C'est bizarre. Donc tu si ton camarade ne respecte pas le professeur, toi aussi tu vas pas respecter le professeur. Parce que si tu respectes, tu vas passer pour le gars bizarre en fait. Voilà. Donc il faut comprendre aujourd'hui que tout est une question, comme elle a dit, d'éducation. Mais, ça, mais c'est une question aussi d'influence. C'est inquiétant ce que vous dites. Mais et pour enchérir, il y a ce côté-là de la violence qui se manifeste par le désir de prouver sa supériorité. Parce que, et puis la plupart du temps, ça passe sous forme d'harcèlement. L'enfant en griffe, pas forcément l'enfant, mais la personne la plus gentille quelque part, la personne la plus timide, la personne qui semble le moins... aimer les disputes, on s'acharne sur cette personne-là parce qu'on se dit que cette personne ne réagira pas. Et c'est ce qu'on appelle l'harcèlement. Je suis bien placée pour le savoir parce que j'ai moi-même été victime d'harcèlement. Du coup, je sais déjà ce que ça peut créer mentalement à la personne qui subit cela. Et je sais un peu comment cela se passe parce que ce sont des personnes qui se disent qu'ils peuvent te rabaisser. Et ces personnes, la plupart du temps, elles ne le font pas parce qu'elles ont envie de le faire, mais parce qu'elles aussi ont soit été habituées à la violence dans leur entourage, ou ont eu à se dire que sans la violence, ces personnes-là ne pourraient pas s'imposer d'une façon ou d'une autre dans le cercle où nous sommes. Donc, ces personnes-là, pour se faire voir, se disent qu'il faille forcément pointer du doigt quelqu'un d'autre et insister sur cette personne-là. Pourtant, la violence, ce n'est pas forcément les coups, ce n'est pas forcément... frapper quelqu'un, la violence, il y a aussi la violence morale et autant que la violence physique. Et actuellement en Côte d'Ivoire, on assiste aux deux. Sincèrement, on assiste aux deux. Et certains même mettent ça dans l'amusement. On s'amuse, on te charrie, mais on te charrie un peu trop. Et c'est ce que moi j'appelle la violence morale. Après, il y a la violence physique aussi. On se dit, j'ai plus de force que toi. À la moindre menace, on te frappe. C'est terrible. Voilà, ça. Franchement, c'est, voilà, c'est, faut aussi c'est effrayant. Il faut aussi comprendre que le truc, comme elle agit là, c'est il y a le besoin, si je peux aller un peu dans la psychologie, il y a le besoin naturel de l'homme à dominer. Voilà. Tu vois? Mais pourquoi à l'école? Pourquoi à l'université? Il faut dire que l'école, c'est le lieu où on passe le plus de temps. Donc, il faut aller violenter les enseignants. Ou bien comme on l'a dit là, il y a l'éducation. Souvent, moi, je prends un exemple de parents. Quand on leur dit ce que leurs enfants font à l'école, ils sont scandalisés parce que ce n'est pas le visage que leur enfant leur montre à la maison. Et comme je le dis, c'est à l'école qu'on a toutes les influences. Donc, à qui la faute? La faute, vous dites que, bon, voilà, ce n'est pas forcément le parent. La faute, elle est lourde à rejeter. Parce que si on dit que c'est les parents, c'est faux. Parce que les parents, eux, ils s'évertuent à donner la meilleure éducation à leurs enfants. Même si souvent, ils passent à côté de certains petits détails, on ne va pas leur en tenir rigueur. Si on dit aussi que c'est la faute à l'école qui n'est pas assez stricte, c'est faux en fait. Il y a mille élèves dans l'école. Il y a des gens qui passent entre les mailles du filet à chaque fois. Effectivement. Voilà, je vous donne un témoignage. Quand je suis arrivé en 2017 à Boaké, je vais taire le nom de l'école. Bonne arrivée. Il y a un de mes frères, voilà, il est gendarme même. Il m'a dit qu'ils sont allés intervenir dans cette école parce que les élèves ont, si vous voulez, emprisonné le professeur dans la salle des profs parce qu'il aurait bloqué le téléphone qu'on interdit à l'école d'un élève. Donc, pour cela, ils ont bloqué le professeur dans la salle des profs. Il a fallu l'intervention de la gendarmerie pour venir libérer le monsieur. Bon, et bon, voilà, c'est quoi toutes ces violences? On ne respecte plus les professeurs. Vous voyez, dans l'émission passée, le mardi passé, le frère Alakri Semale disait que nous sommes à l'époque des dinosaures, c'est-à-dire l'époque ancienne. Mais nous, à notre époque, on vénérait entre griffes nos enseignants. N'est-ce pas? Mais pourquoi aujourd'hui, on va jusqu'à brutaliser l'enseignant? Ben, Et il faut dire que d'un point de vue juridique, hein, mm-hmm. de mon point de vue de juriste, mm-hmm. il faut comprendre qu'aujourd'hui, la loi est en faveur des jeunes, des enfants, si tu veux. Si on peut le dire ainsi. Hein. Mm-hmm. La loi tend à favoriser les jeunes, à leur donner un certain poids. Et moi, je pense que c'est aujourd'hui l'une des choses, hein, même si je suis juriste, je pense que c'est l'une des choses qui va détruire en fait l'image qu'on a de l'école. Parce que quand on se dit, si je veux revenir encore à votre époque des dinosaures, comme vous l'avez dit, il faut dire qu'avant... Bon, l'époque des dinosaures, nous, on n'a pas emprisonné nos profs que... dans la salle des classes. Il faut dire qu'avant, je vais prendre seulement un exemple. Avant, mm-hmm. on autorisait les enseignants à taper un enfant s'il déraillait. D'accord. Et il faut dire que ce truc-là, c'était peut-être bizarre, mm-hmm. mais en fait, les enfants avaient tellement en horreur la chicotte mm-hmm. qu'ils s'arrangeaient à faire tout ce qu'il ne fallait pas faire mm-hmm. pour éviter la chicotte, en fait. Tout ce qu'il fallait faire pour éviter la chicotte. D'accord. Et aujourd'hui, moi, récemment, j'étais dans une école primaire mm-hmm. et j'ai eu à interviewer une dame, une enseignante, qui était même au bord des larmes en me disant que, aujourd'hui, nous, on peut plus toucher un enfant. D'accord. Même si on voit que c'est un enfant qui va à la dérive, en fait, mm-hmm. on sait qu'on peut le remettre sur le droit chemin, mais on ne peut plus le toucher. D'accord. Parce que c'est ce que la loi nous dit. Oui, il faut respecter la loi. Il faut comprendre que mm-hmm. ces personnes-là, aujourd'hui, moi, je ne dis pas de ne pas respecter la loi, hein, mm-hmm. mais les jeunes, aujourd'hui, en connaissant leurs droits et en sachant qu'à un moment donné, il y a les enseignants qui ne pourront rien faire contre eux, mm-hmm. sous mm-hmm. le prétexte des droits des enfants et tout, ils n'auront plus de limites. Ils n'ont plus déjà de limites, en fait. Mais on ne sait pas jusqu'à où. Mm-hmm. Le manque de limite va s'étendre, en fait. D'accord. Encore un autre exemple. Là encore, c'est à Abidjan. Je vais taire aussi le nom de l'école. Mm-hmm. Un élève de 6e. Mm-hmm. Et bon, voilà. Bon, si je dis comme ça, peut-être mm-hmm. on va savoir. Donc, je garde l'anonymat. Mm-hmm. Un élève de 6e qui est allé jusqu'à prendre l'école de son professeur. Parce que le professeur, d'après l'enfant, le professeur tourne autour de sa copine. Un élève de 6e. Et il allait prendre jusqu'à l'école du professeur. Comment ça peut se justifier, ça? Sincèrement, il n'y a aucune justification à ce genre de comportement. Mm-hmm. Parce qu'actuellement, l'Afrique en général, parce qu'on ne va pas seulement indexer la Côte d'Ivoire, l'Afrique en général copie le modèle américain, le modèle occidental. Mm-hmm. On se dit, oui, de toute façon, l'Occident, c'est comme ça. Donc, nous aussi, on va faire la même chose. Parce que ce phénomène de petite copine et autres, mm-hmm. avant, on avait ça en horreur. C'est vrai, je ne suis pas née... En 1900, à l'époque des dinosaures. Je suis née en 2000, dans les années 2000. Les années 2000, oui. Mais pendant que j'étais petite, j'arrivais à voir certaines choses quand même. Ce n'est plus la même chose. Aujourd'hui, on se pavane délibérément avec sa petite copine. On crie partout, surtout les toits que c'est sa petite copine. Alors qu'avant, ce n'était pas ça. Parce que si réellement les choses étaient restées les mêmes, cet enfant de 6e, il connaît petite copine où, au point, il va aller attraper l'école de son professeur de surcroît. Mm-hmm. Donc, je pense qu'on ne peut rejeter la faute sur personne, sincèrement. Mm-hmm. Mais il faut réellement qu'on trouve des freins à ces trucs-là parce que c'est en train de partir vraiment, vraiment, vraiment, vraiment loin. Mm-hmm. Aussi, en Afrique, il faudrait qu'on se penche beaucoup sur la psychologie parce qu'il y a des personnes qui sont violentes parce qu'elles ont un mauvais vécu. Mm-hmm. Il y a des personnes qui se comportent d'une certaine manière à cause de leur vécu. Et ici, en Afrique, on minimise beaucoup ces choses-là parce qu'on se dit, bon, tu es fort. C'est quoi, toi, tu as vécu et puis tu es comme ça. Mm-hmm. À chaque fois, on te trouve toujours des justificatifs. On se dit, pourquoi tu réagis comme ça alors que chacun reçoit ces choses différemment. Donc je pense qu'on devrait vraiment se tourner vers la psychologie de différentes personnes parce qu'on ne sait pas ce que chacun traverse en vérité. Encore une autre image, mm-hmm, je crois, si c'est l'année passée ou l'année surpassée, mm-hmm. on a perdu comme ça un élève, mm-hmm. dans une bagarre entre élèves. Il a été poignardé, il est mort. Mm-hmm. Allez, vraiment, quand on voit tout cela, ça nous fait peur. Sincèrement. Où va cette jeunesse? Où va nos élèves? Où va vont les élèves? Où vont les étudiants? Vous voyez, je perds même mon latin. Il en perd son parce latin. Que c'est, ça me donne froid au dos, quoi. Sincèrement. Voilà, aujourd'hui, jusqu'à tuer. Et Allah, tu vas prendre la parole. Je vais encore taire le nom de l'école. Là, même, c'est à Boaké, ici. Mm-hmm. Voilà. On sait. Ils m'ont dit... Chaque vendredi, il y a un règlement de compte devant l'école où ils viennent se battre, se lancer des pierres. Tu vois des élèves se blesser en entrant à la maison. J'ai même vu. Et aujourd'hui, ce phénomène de violence n'est plus la cause ou bien la partie des hommes. Mm-hmm. Il y a même des jeunes filles qui vont être très violentes. Très, très violentes. J'ai vu une grève à Boaké ici où la première ligne étaient carrément des jeunes filles. Mais je me suis dit, où va cette jeunesse? Alors, monsieur Chris Allah, oui. Emmanuel. Allah, je te coupe la parole. Oui, d'accord. Honneur d'âme. Comment dire? Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que il y a l'effet de groupe. Parce qu'on se dit, moi par exemple, Emmanuel, ce qui est bien avec moi, c'est que monsieur Allah, ici présent, a été mon compagnon depuis plusieurs années. Compagnon. Et nous, mon ami. Ah, genre, on a beaucoup marché ensemble. Il faut bien parler. Hein. Calme. On a beaucoup marché ensemble. Et okay. Heureusement, nous avions tous deux des influences positives l'un sur l'autre. D'accord. Mais dans le cas où. On se retrouve avec deux personnes, l'une qui a peut-être une influence positive et l'autre qui a une mauvaise influence. Mmh. Si cette personne qui a peut-être une bonne influence n'est pas fort d'esprit, va forcément tomber dans certaines dérives. C'est pour ça aussi que certains disent que c'est la faute des parents, parce qu'il y a des parents qui se disent, bon, je l'ai envoyé à l'école, donc que l'école se débrouille avec l'enfant. Moi, je fais ma part à la maison. Pourtant, non, il faut suivre l'enfant jusqu'à l'école. Il faudrait essayer de comprendre tous les actes que ton enfant pose. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de psychologie et tout. Parce qu'il y a des enfants qui sont vraiment mal intérieurs. Moi, je parle parce que je sais de quoi je parle. En connaissance de cause. Il y a des enfants qui se sentent pas bien intérieurement. Et pour extérioriser leur mal, ils n'ont rien trouvé de mieux que la violence. Que la violence aussi. Il y en a aussi qui sont juste résultats de mauvaises influences et autres. Mais c'est pour tout ça aussi qu'il faut suivre les enfants. Bien vrai, on va pas les suivre partout où ils vont, mais au moins faire l'essentiel. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, tu as touché un point qui peut-être va rentrer en même temps dans les conseils. Tu as dit que les parents souvent se disent quoi, voilà, on a inscrit l'enfant à l'école, c'est à l'école d'éduquer l'enfant. Voilà. Que l'école fasse le reste. Est-ce que c'est la faute aussi ne revient pas aux parents parce que ils ne savent pas ce que l'enfant fait à l'école. Ils savent seulement ce que fait l'enfant à la maison. Comme l'a dit Allah, l'enfant a un bon caractère à la maison, mais à l'école, si les parents ne viennent pas de temps en temps à l'école s'imprégner du travail de l'enfant, de sa conduite, afin de pouvoir vraiment aider l'école. Parce que l'école, bon, voilà, joue sa part, mais il faudrait que les parents aussi puissent jouer leur part là. Ouais, comme je disais, il faut que chacun puisse jouer sa part, mais ce serait vraiment malhonnête de mettre la faute sur une entité. Parce que même aujourd'hui à l'école, l'école a un peu perdu de sa superbe, si on peut le dire ainsi. Effectivement. Parce que moi, je connais aujourd'hui des personnes, dont je tairai le nom, des professeurs qui sont plus prêts à être en fait les parents de l'école de leurs étudiants en fait. D'accord. Parce qu'avant, quand on voit un professeur, en fait, il pouvait être comme un papa pour son étudiant. C'est ça. Mais aujourd'hui, les enseignants se cantonnent au seul rôle d'apporter le savoir et de laisser les enfants se débrouiller. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'être violentés après. Il faut dire qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit déjà, il y a tellement de barrières qui sont mises aux enseignants à l'égard des enfants qu'en fait, ils ont même perdu leur rôle. D'accord. Quelqu'un que tu es censé éduquer, tu peux pas. On te dit quoi? C'est pour ça qu'on dit souvent que l'enseignant c'est un éducateur. Tu es censé l'éduquer, mais on t'empêche de lui faire des reproches. D'accord. Tu vois un peu? Il paraît même qu'on ne doit pas dire à l'enfant qu'il est médiocre. On doit. Voilà, aujourd'hui comme ça, on ne peut plus écrire sur une feuille d'un enfant, tu es médiocre. Alors en fait, c'est ce genre de truc là qui fait tellement mal à l'orgueil d'une personne qui va se remettre en cause et puis devenir bon. Mais si aujourd'hui même on empêche tout ça, faut pas s'étonner qu'on aille tout droit dans le mur. Hein. Désolé, il ne faut pas se donner qu'aujourd'hui on vaille des gens qui se prennent pour King Kong à casser des immeubles de la rue. En vrai, mais... Voilà, on ne va pas vraiment se casser la figure. Nous, la radio Beke FM, on ne fonce pas tout droit dans le mur. Voilà, nous, c'est la radio qui émet jusqu'au bout du monde. Bien-aimé de Dieu, vous êtes en direct sur la radio Beke FM et vous suivez actuellement votre émission L'Heure du Salut. On va respirer un peu, on va aller du côté de la régie et juste après, on va revenir pour demander quel est le rôle de l'État afin que la violence puisse disparaître dans l'espace scolaire. Allez, à tout de suite. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Okay, car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Oui, Dieu est là, il va toucher les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire afin qu'ils puissent s'éloigner de la violence. Dieu est là, il va toucher leur cœur afin que cette année scolaire 2023-2024, ils soient vraiment des élèves et étudiants studieux, respectueux de leurs enseignants, de leurs professeurs, de leurs encadreurs et de toutes les personnes qui vraiment concourent à la bonne marche de notre école ivoirienne. Ce soir, bien-aimés de Dieu, vous avez toujours l'occasion. Il vous reste 10 petites minutes. Vous pouvez encore nous appeler pour nous donner votre point de vue sur notre thème du jour. Voilà, jeunesse, utilise ta puissance intellectuelle pour dire non à la brutalisation de l'espace scolaire par la drogue et le commerce sexuel. Aujourd'hui, notre première partie, ça, voilà, on parle de la violence en milieu scolaire. Vous pouvez appeler au 01 01 45 50 40, le 05 86 06 48 63. Axel, pour tous ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire et qui voudraient bien nous appeler, que faut-il faire? Pour tous ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire et qui voudraient bien nous appeler, il suffit d'appeler le plus 225 01 01 45 50 40. Et aussi le plus 225 05 86 06 48 63. Merci Axel. Allez, voilà, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Voilà, quel conseil peut-on donner? Et puis bon, après on va essayer de voir si on peut parler un peu du rôle de l'État. Qu'est-ce que l'État doit faire pour que, bon voilà, il n'y ait plus de violence en milieu scolaire? Alors, Chris Emmanuel. En tout cas, moi, je ne suis pas un grand adepte de qu'est-ce que l'État doit faire. Mm-hmm. Parce que l'État ne peut pas régler les problèmes personnels de chacun. D'accord. Il faut le comprendre. Mm-hmm. Je ne suis pas un très grand fan de l'État doit nous aider, l'État doit nous aider. C'est à nous d'abord de faire le premier pas afin que l'État puisse nous aider. Il faut que nous soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. J'en pointe les mots à Gandhi. D'accord. Il faut que nous soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Mm-hmm. Déjà, c'est à nous de faire ce que nous pouvons faire. Notre petite partition et nos actes là, s'ils sont bien manœuvrés, vont toucher l'État, comme vous dites. D'accord. Afin qu'il puisse nous apporter son aide. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement aujourd'hui? Voilà, concrètement aujourd'hui, il faut que, comme Axel l'a dit, il faut que les parents reprennent leur place. Voilà, on va pas accuser quelqu'un de pas faire son boulot, mais il faut qu'aujourd'hui les associations de parents d'élèves puissent être ce qu'elles étaient avant, c'est-à-dire celles qui ont un contrôle sur la vie de leurs enfants, celles qui ont un peu le droit de regard sur ce que les enfants font à l'école. D'accord. Il faut même que les parents d'élèves soient plus forts que l'institution. D'accord. Il faut comprendre aujourd'hui que l'institution est passée au-dessus de tout. On dit qu'à l'école, mais à notre temps, bon, à votre temps, oui, le temps des dinosaures, voilà, les parents d'élèves pouvaient faire qu'une école soit fermée parce qu'ils considéraient que l'école enseignaient mal leurs enfants. Ils avaient, souvent ils pouvaient convoquer même le directeur de l'école. Parce que c'est eux qui mettent leurs enfants à l'école. Sans leurs enfants, l'école n'est rien. C'est ça. Donc il faut comprendre aujourd'hui que les parents d'élèves doivent aujourd'hui reprendre leur place de choix. Donc, comme à tout l'époque suite, des dinosaures. Tu indexes les parents. Les parents doivent jouer la partition. Ce qui n'est pas ici. Ah, mais bon, voilà, c'est ce que. Je ne veux pas accuser quelqu'un. Quand je sors du studio, on me dit non, tu as accusé les parents d'élèves. Quand tu seras parent un jour, on voit. Je n'accuse personne. Moi, je comprends ce qu'il veut dire. C'est que pour arriver à nos fins, il faudrait que tout le monde reprenne sa place. Voilà. Pas seulement les parents d'élèves. Les parents d'élèves sont juste une entité parmi tant d'autres. Mais il faudrait que les parents reprennent leur place. Il faudrait aussi que les enseignants reprennent leur place. Parce que bien vrai, on a dit qu'il ne fallait plus taper des enfants et tout. Mais ça n'empêche pas aux enseignants d'être des vrais pères pour leurs élèves. Parce que voilà, je passe par là pour indexer par exemple mon professeur d'histoire et géographie de la terminale. Oui, lui, c'était notre papa. On l'appelait littéralement papa parce que lui, il n'a pas perdu cette vertu-là. C'était le professeur qui nous appelait lorsqu'il nous trouvait bizarre pour nous demander qu'est-ce qui se passe réellement chez toi à la maison. Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi pourquoi tu n'as pas la moyenne dans telle matière. Il n'était pas notre professeur principal. Il n'était pas le professeur principal, mais il connaissait nos moyennes dans toutes les matières. Wow. Lorsqu'il se rend compte que dans une matière ça ne va pas, il t'appelle et il te demande qu'est-ce qui se passe réellement. Est-ce que ce sont des problèmes à la maison, des problèmes financiers, il te pousse à lui dire réellement ce qui se passe. D'accord. De telle enseigne que on l'a tous pris au rôle de papa, on l'appelait plus monsieur, on l'appelait papa. Ah, wow. Ce qui me rappelle une anecdote, il y a un jour, le directeur de l'école est rentré en classe et il a été donné d'une fille qui l'a même appelé papa devant lui. Et lui, il s'est offusqué. Il a demandé à la fille, non, mais je ne dois pas donner. En fait, elle a fait pas donner, mais elle est partie. Mais nous, on savait ce qui nous liait à lui, en fait. Voilà. Et il faut comprendre que même moi, en fait, il m'a aidé parce que quand je partais composer vers le bac, je commençais à être très, très, très, très stressé. Oui, parce qu'il avait flanché à l'examen blanc, il avait trop fait la star. Les gens, en fait, je me disais que les gens en attendaient trop de moi, en fait. D'accord. Et il m'a vraiment aidé. Voilà, du coup, alors, on va laisser cette histoire de les parents. Voilà. Alors, tout le monde doit reprendre sa place. Tout le monde les doit élèves reprendre. Aussi doivent être conscients. On doit leur inculquer la conscience. On doit leur faire comprendre que on ne les met pas à l'école pour nous. Enfin, nos parents ne nous mettent pas à l'école pour eux. Pour eux, en fait. Forcément, lorsqu'on aura le savoir, lorsqu'on va travailler, bien vrai, on dira les parents, mais c'est nous qu'on verra au devant. C'est ça. Donc, il faudrait que ces élèves-là se reprennent en main, qu'ils se disent bon, je fais ça, bien vrai, ce sont mes parents qui m'ont mis à l'école, mais je fais ça, c'est pour moi-même. Je fais ça, c'est pour me construire, c'est pour me fonder un avenir. D'accord. Voilà. Donc, c'est toi qui donnes ces conseils depuis ta classe de 6e jusqu'à ta licence 2 de droit, as-tu été une fois violente à l'école? Oui, j'ai une fois été violente à l'école. Envers professeur? Non, pas envers mon professeur, mais. Est-ce que tu as empêché, tu as perturbé les cours? Ah. Bon. Pas vraiment. Non, j'ai pas d'accord. Alors, donc, Allah, Chris Emmanuel, moi, je veux qu'on s'adresse à tous ces élèves-là. D'accord. Parce que nous sommes dans la rentrée scolaire. Mm-hmm. Comme je l'ai dit un peu plus haut, on a commencé depuis le 11 septembre. Mm-hmm. Nos élèves, étudiants, ont repris le chemin de l'école, tout et tout. Alors, en cette année 2023-2024, vraiment, je prie le Seigneur pour ne pas qu'on entende quelque part qu'il y a eu la violence. Vraiment dans une école quelconque. Alors, quels conseils on peut donner à ces élèves-là et étudiants qui nous écoutent? D'accord. Déjà, c'est une autre question. Hein. D'accord. Mais il faut comprendre déjà que, comme le dit le célèbre proverbe, Rome ne s'est pas faite en un jour. C'est une manière de dire que on n'arrivera pas automatiquement à chasser le virus de la violence de nos écoles ou de nos universités. Mais il conviendrait pour chacun, chaque entité de reprendre sa place. Okay. Les enseignants de redevenir ceux qu'ils étaient avant, les parents d'être plus attentifs et aux enfants de comprendre que leurs droits ne leur permettent pas tout. D'accord. Il faut aussi comprendre qu'en dehors des droits, ils ont des devoirs. Mm-hmm. Et les devoirs doivent être plus inculqués aux enfants que leurs droits. D'accord. Parce que quand on leur inculque leurs droits, ils vont droit vers la dérive. Mm-hmm. Il faut comprendre aussi que aujourd'hui, les personnes... Je vais pas dire qu'il y a des mauvaises graines, hein, mais les élèves qui se démarquent du lot doivent, au lieu de chercher à être la mauvaise influence ou bien de crier dans le désert, ils doivent faire des petits actes, des petits pas envers leurs amis qui sont dans le mauvais chemin. Pas forcément les forcer à venir avec eux, mais essayer de leur inculquer les bonnes manières, parce que petit à petit, avec les petits actes, les petites attentions, qu'on va réussir à changer le monde. D'accord. Merci beaucoup à la Chris Emmanuel. Et aujourd'hui, on va, en même temps, comme notre émission est déjà finie, voilà, tu penses à qui aujourd'hui? Eh bien, je pense déjà, elle m'a rappelé, je pense à mon professeur d'histoire, Monsieur Soro Marcel. Monsieur Soro Marcel. Je pense à mon amie sénégalaise, Orlane Dieng. D'accord. Et puis, je pense aussi à ma mère. À maman fêtait, c'est oui, ça maman fêtait. Allez, bisous à maman. Axel, la même question. Mais, conseil. Bon, moi, je pense que il faudrait voir les enfants qui sont, par exemple, les élèves, les étudiants, tout le monde, qui sont victimes d'harcèlement, qui sont victimes de violence. Il faudrait que lorsqu'ils aillent se plaindre, que les sanctions soient vues. Que les sanctions soient, je ne dirais pas terrifiantes, sinon ça va traumatiser, mais il faudrait que les sanctions soient assez lourdes pour faire peur à ces personnes-là même qui harcèlent. Parce que l'harcelé devient plus tard l'harceleur. Tout à l'heure, vous m'avez demandé si j'avais été victime. C'est dans ce sens-là. Parce que je me suis dit, à force de me faire marcher dessus, si un jour, moi, je ne marche pas sur quelqu'un, je ne vais pas quitter là. D'accord. Voilà. Donc, il faudrait que les sanctions soient assez lourdes, que ces élèves-là prennent conscience du fait que détruire la santé mentale de son collaborateur, de son ami ou même de son professeur, ce n'est pas favorable. Non seulement physiquement ou spirituellement, comme on est dans une émission chrétienne, ce n'est pas favorable. D'accord. On a dit ne pas faire le mal, donc il faudrait rester dans le bien, en fait. Même si on ne peut pas faire entièrement de bien, mais il ne faudrait pas faire le mal volontairement. D'accord. Voilà. Ok. Aujourd'hui, tu penses à qui? Aujourd'hui, je pense à mon invité qui devait être là, il s'appelle Traoré Awakura. D'accord. Mais il n'a pas pu être là pour un souci. Et je pense aussi à mon professeur, M. Soro Marcel. Voilà, M. Soro Marcel. Qui a été un père pour nous en classe de terminale et de première. Allez, merci beaucoup, Axel. Merci à vous. Merci, Allah. C'était un plaisir. Merci. Et puis, bon, voilà, on va dire merci comme ça à tous ces enseignants, à tous ces professeurs qui vraiment se donnent à la tâche pour inculquer, pour donner le savoir à tous nos élèves et étudiants du monde et de la Côte d'Ivoire. Allez-vous, élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, nous vous disons vraiment qu'en cette année 2023-2024, que vous soyez vraiment dans le droit chemin. Demandez toujours la force de l'Esprit Saint. Demandez toujours la présence de Dieu dans vos études. Vos études, rien que vos études, la violence hors de l'école. Allez, bien-aimés de Dieu, nous allons dire merci à la régie dirigée aujourd'hui par le frère Samuel et son autre frère Abdoul qui ont vraiment assuré ce soir. Voilà, merci à vous les gars, à vous auditeurs, nous vous disons encore merci. Merci d'être toujours en notre compagnie. Merci d'être là tous les mardis de 17h à 18h. Et je sais que les dimanches à 20h, vous êtes là aussi pour la rediffusion. Aujourd'hui, nous avons parlé des jeunes qui doivent utiliser leur puissance intellectuelle pour dire non à la brutalisation de l'espace scolaire par la drogue et le commerce. Voilà, le commerce de quoi là? Le commerce sexuel. Voilà, le commerce sexuel. Vous voyez que je suis un peu perdu aller, parce que c'est un peu lourd. Voilà. La semaine prochaine, on va parler du commerce sexuel en milieu scolaire. D'ici là, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous accorde ce que vous voulez, qu'il vous donne une année de paix, une année de vraiment et d'élèves studieux et que vraiment Dieu Tout-Puissant prenne en pitié tous les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Allez, bonsoir chez vous. Bye bye. De l'évangile du Christ en montrant le chemin de la vie éternelle et être en communion parfaite avec le Christ est notre priorité. Eric Okwame, le serviteur infatigable du Seigneur, vous donne rendez-vous tous les mardis à partir de 17h dans votre émission chrétienne, l'heure du salut. Rediffusé le dimanche à 20h sur la radio Beke FM. Ensemble, proclamons la bonne nouvelle de l'Évangile dans votre émission chrétienne, l'heure du salut.